Évidemment, ça devrait être confirmé. Ben, c'est confirmé depuis hier, mais Jeff Kent Hughes sera présenté à la presse sur le coup de 16 h. On va parler avec Eric Hood, un ancien joueur du Canadien qui collabore au 91-9 de temps à autre pour avoir ses réactions. Salut, Eric! Salut, ça va bien? Ça va bien, Eric. On s'en parlait avant de rentrer en onde. Moi, je n'ai pas été surpris. Écoute, je pense que même plus. Je l'avais dit la semaine passée que ça allait être Kent Hughes qui allait être nommé directeur général du Canadien. Écoute, moi, je suis un peu déçu, puis je m'explique pourquoi. Pas parce qu'il parle français, ça n'a aucun rapport. C'est parce que moi, Patrick Roy, ça a toujours été mon premier choix, parce qu'il connaît le Canadien, il sait c'est quoi le Canadien jouer pour le CH, une culture de gagnant. Tu sais, le Canadien, c'est les Yankees de New York, là. Et Patrick Roy, pour moi, c'était mon choix pour ça, là, la fierté de porter le chandail et ainsi de suite. Ouais, ben c'est sûr, côté personnel, côté, comme tu disais, pour peut-être les gens québécois, d'avoir un ancien, un gagnant, un personnage ou une personne connue en Patrick Roy, ça aurait été spectaculaire. Mais d'un autre côté, c'est un peu la réalité, que ce soit dans le hockey, dans le monde des affaires ou un peu partout, quand on a un nouveau dirigeant, lui, il veut s'entourer de gens habituellement qu'il connaît, qui fait confiance. Là, on faut pas oublier, c'est un travail au quotidien qu'ils vont travailler à deux là-dedans. Donc, tu sais, c'est oui, ça aurait été le fun d'avoir Patrick Roy. Il y en a qui penchaient beaucoup du côté de Mathieu Darche parce qu'avec le CV qu'il avait, puis il avait déjà deux Coupes Stanley en tant que assistant directeur général, il avait un excellent CV. Puis, mais tu sais, c'est un gars qu'ils connaissaient déjà. Ils ont déjà travaillé ensemble. Faut pas oublier que Jeb Gorton, quand il était avec les Rangers, n'avait pas hésité à repêcher le garçon de Ken Hughes en 7e ronde aussi. Donc, c'est toutes des petites choses que quand tu reviens en arrière, tu creuses un petit peu, c'est pas surprenant. Tu sais, je pense qu'ils ont quand même été un brin transparent en interviewant plusieurs personnes, mais je pense Est-ce qu'ils ont que été malgré tout transparents ça. ou c'était juste l'idée était pipée d'avance? Moi, je Ben. pense que l'idée était pipée d'avance, là. Ben oui. Non, c'est sûr, son idée était faite. Il s'agissait de savoir est-ce que Ken Hughes, de son côté, lui, voulait quitter sa firme d'agent de joueur. Sûrement qu'il est pas sûrement, mais il avait beaucoup de succès. Donc, sûrement que monétairement, il était pas à plaindre. C'est un travail sûrement qu'il aimait au quotidien, de là à tout chambarder, quitter ton emploi que tu as formé pour aller directeur général, qui est quand même pas de tout repos à Montréal, surtout sachant qu'il est moins populaire peut-être que les autres candidats. Mais pour répondre à ta question, c'est ça. Je pense que son idée était déjà faite. Du moins, il avait sûrement son favori, qui était Ken Hughes. C'est certain, si Ken Hughes avait refusé de quitter son emploi, là, peut-être on se serait tourné avec le processus d'interview avec l'équipe en place qu'il avait formé avec Bob Gainey et compagnie. Mais en même temps, à la fin, c'est Jeff Gorton qui a le dernier mot. Il est embauché pour ça. Donc, même si tout le monde avait dit, peut-être que c'est Ken Hughes aussi qui aurait remporté le tout, mais même si dans son équipe, tout le monde avait dit des choix différents, ben c'est toi à la fin le chef. C'est toi qui vas travailler avec le joueur, pas le joueur, la personne choisie. Puis peut-être on aurait tous fait pareil, y aller avec Ah ouais, quelqu'un c'est avec qui sûr. on se sent bien, puis qu'on connaît, puis que on sait ses façons de fonctionner, puis on est sur la même page. Donc, tu sais, je dis pas que c'est un show de boucan. Je pense que ça a été bien pour les gens interviewés. Je pense que c'est une première expérience pour la plupart d'entre eux. C'est quoi une interview pour être directeur général? Mais, écoute, puis même lui, là, si on revient en arrière, sa première conférence de presse, Jeff Gorton, je sais pas si tu te rappelles, mais il avait dit de peut-être penser outside the box. Il avait dit à l'extérieur de la boîte, ça pourrait être un agent. Donc, tu sais, on le voyait venir un petit peu. Mais tout ça pour dire que tu sais pour les pour Si ça a été si long, vas-y, vas-y. Eric, c'est parce que quelque part, ça doit être long aussi de se départir de ses actions, là. Une compagnie Ben comme Ken Hughes a, j'imagine que ça se débarrasse pas de ça en une semaine, là. Tu sais. ben c'est peut-être pour ça que ça a été long aussi Ouais, c'était très long, ça, là. d'avoir son accord. Tu sais, tu dis, gars, t'es mon homme, est-ce que tu veux prendre le Ouais. temps d'y penser? Puis lui, à l'inverse, premièrement, d'y penser, sur le plan, premièrement, familial aussi, personnel, de déménager à Montréal. Lui était établi aux États-Unis depuis plusieurs années. Est-ce que c'est un travail qui te convient? Est-ce que c'est un défi que tu vas avoir dans ta vie à un certain âge? Et puis de là, de te revirer de côté dans ta compagnie, de ne pas délaisser ta compagnie, que ce soit n'importe laquelle de compagnie, qui va prendre ta place. Tu ne peux pas arriver du jour au lendemain, OK, les gars, je m'en vais, salut, bye, je change d'emploi, puis je vous laisse avec ça. Donc, peut-être pour ça que ça a été plus long que prévu. Puis entre-temps, ben, tu passes les entrevues, puis si Ken News avait refusé, ben là, on se serait sûrement retourné vers possiblement le meilleur candidat ou celui qui aurait aimé travailler avec, mais c'est pas surprenant, tu sais, on a le droit d'être déçu, mais c'est comme ça ailleurs aussi, non, puis c'est... Ben moi, je savais dès le départ que Jeff Gorton, puis Patrick Roy devait le savoir, tu te rappelles de sa sortie qu'il avait faite, ils n'ont rien à... Ben oui. C'est parce qu'il savait, dans le fond, lui, qu'il serait pas là, tu sais, c'est pas fou, il est pas fou, Patrick. Ouais. C'est la même chose partout. Si on fait le tour, tu sais, Michel Therrien était revenu à Montréal parce qu'il connaissait bien Marc Bergevin. Il avait été à Pittsburgh à l'époque parce qu'il connaissait bien Mario Lemieux. Tu sais, Mathieu Darche, présentement, est à Tampa Bay parce que c'est son bon ami Julien Brisebois qui l'a amené avec lui. Tu sais, moi, Mathieu, je le connais bien. Il reste en arrière de chez nous, là. C'est un gars qui travaillait au quotidien, puis tout allait bien, puis là, oups, il y a un poste disponible, ton ami t'appelle, puis quand Marc Bergevin est en poste, il a pas hésité à amener ses amis, Shane Shurla, Scott Mellenby. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est pas correct, mais dans ces milieux-là, ben, tu vas travailler avec des gens avec qui tu as des affinités, que tu connais, t'as un passé. C'est dans n'importe quoi. C'est dans n'importe quoi aussi. Ben, c'est dans n'importe quoi. Exactement. Ouais, ces gens-là ont une certaine expérience. Tu sais, Jeff Gorton, il arrive pas de nulle part. Ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale à différents postes. Fait qu'il s'est fait des contacts. Donc, tu sais, c'est partout ailleurs comme ça aussi. Les gars ont des contacts un peu partout. Il y a des gens qui les ont aidés dans d'autres postes, dans d'autres organisations. Donc, quand ça revient à toi, ben c'est un peu... Tu renvoies la balle à ceux qui t'ont aidé, puis tu les aides aussi, puis tu veux t'entourer avec ces gens-là. Donc, tu sais, c'est pas... Comme tu dis, c'est partout pareil. C'est pas surprenant, puis c'est ce qui est arrivé encore une fois. Là. Ouais. Dis-moi le premier défi de Kent Hughes, c'est quoi? C'est le dossier Carey Price, probablement? C'est le dossier de baisser cette masse salariale-là? J'imagine que oui, parce que ben, moi, je pense raison, mais moi, je pense que le premier dossier, c'est vraiment d'identifier c'est quoi la nouvelle culture et l'identité du Canadien. T'sais, est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on reconstruit, mais pas trop rapidement, ou rapidement un peu à l'image des Rangers qu'on fait, ça n'a pas pris de temps? Est-ce qu'on se dit que ça va prendre du temps, puis on se fie sur le repêchage? Est-ce qu'on veut justement baisser la masse salariale? Mais on n'a pas le choix, parce que avec ce qui se passe, puis ça, il n'y a aucun média qui en parle au Québec, là. Mais les mesures sanitaires, là, les femmes des joueurs se sont prononcées. La femme à Jeff Petrie a dit, ce que la femme à Carey Price a fait, m'a dit en affaire, ça fait le tour de la Ligue nationale. Éric, tu sais très bien, t'es un ancien joueur de hockey, là. La femme décide beaucoup, là. Penses-tu qu'un joueur va décider? Même les joueurs actuels, c'est des jeunes familles qui ont beaucoup d'argent. Penses-tu que c'est intéressant pour un joueur de hockey, même ceux-là qui sont actuellement à Montréal, là, la femme de Brendan Gallagher, je sais pas si elle est une femme, j'imagine que oui, de jouer, de vivre et de rester à Montréal avec tout ce qui se passe. Les restaurants sont fermés, tout ce qui est activité familiale, c'est très difficile. Il n'y a pas un média qui en a parlé de ça, là. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix de bâtir par le repêchage et d'y aller avec des jeunes, puis par la suite, ben, en espérant que ça va se calmer, puisqu'il n'y a pas un joueur autonome qui va vouloir venir à Montréal. Puis même ceux-là qui ont une certaine âge, de rester à Montréal, c'est pas intéressant actuellement. Là. Non, c'est pas attrayant. C'est même avant la pandémie et tout, c'était pas un marché attrayant pour les joueurs autonomes. Donc pour plein de raisons, là, que ce soit argent, imposition, climat, pression. Il y a tellement de belles destinations maintenant, de belles villes au niveau de la Ligue nationale. Je pense pas que Montréal est dans les tops joueurs autonomes dans son pic de venir à Montréal. Ça, c'est certain. Donc, tu sais, là, maintenant, puis tu as raison, en 2022, comparativement à l'époque, les blondes des joueurs, les femmes, même si on parle de gars entre 20 et 30 ans, là, tu sais, leur vie est pas débutée à 100%, là. Ils ont un gros mot à dire là-dedans. Puis oui, je pense que tu as raison, on n'a pas le choix, à moins d'une luck ou d'une chance X, d'aller chercher un super vedette, là, à 7, 8, 9 millions. Tu n'as pas le choix d'aller avec le repêchage et des transactions, parce que faut faire attention, tu sais, même le repêchage, même si on le voit, là, puis c'est partout ailleurs qu'on critique beaucoup Montréal, là, mais tu sais, tu repêches 20e, ton choix de 20e au total, Ryan Peeling, il se débrouille bien, mais c'est pas un gars qui va changer ton identité, puis ta formation du jour au lendemain. Puis même cette année, on le dit, là, même Montréal, on finit dans les derniers, là, on a un Shane Wright, on dit de lui beaucoup de bien, mais c'est pas un McDavid, c'est pas un Matthews, c'est un joueur qui va t'aider. C'est un Patrice Bergeron en meilleur. Ce qu'on dit, c'est que c'est un Patrice Bergeron en meilleur. Plus offensif. Ouais, puis là, on le dit là du côté junior, mais tu sais, c'est arrivé, les Oilers Edmonton ont fini combien de fois dans les bas-fonds, puis mis à part McDavid puis Dreisaitl, tu sais, après ça, des Yakupov, des Nugent Hopkins, c'était des gars corrects, mais ils n'ont pas changé ta formation. Donc, tu sais, c'est pour ça, le repêchage, tu dois faire attention, puis seulement si ça te rompe, fait que tu sais, tu ne veux pas vraiment te tromper. Je pense que ça va être oui d'un, le repêchage, mais dans les transactions. Le développement aussi, c'est important. C'est très... Puis qui tu vas liquider, là? On parle de Carey Price. On a quelques gros contrats, là, des Gallagher. Est-ce qu'on le garde? Il est sur le déclin un petit peu. Il lui reste 5 années de contrat environ. Là, t'as des joueurs, comme tu disais plus tôt, mécontents. On voit que Petrie s'en va nulle part, puis il est pas heureux d'être là. Puis là, ça fait l'effet boule de neige. Les autres vétérans, est-ce qu'ils veulent continuer? Ça, c'est la question aussi. On reconstruit par le repêchage, mais tu dois entourer ces jeunes-là avec de bons vétérans. Puis ces bons vétérans-là, est-ce qu'ils veulent jouer dans une reconstruction où ils disent, ben là, tant qu'à faire, là, moi, je suis rendu à 30, 31 ans, échange-moi d'une bonne équipe, il me reste peut-être 3-4 ans de hockey dans le corps. Est-ce que ça me tente, moi, de développer ces jeunes-là, oui ou non? Fait que ça devient complexe. Fait que c'est pour ça que tu peux pas, oui, tu veux développer, tu veux y aller avec le repêchage, mais tu peux pas dire ça va me prendre 5 ans parce que tu pourras pas bien entourer ces jeunes-là pendant 5 ans avec de bons vétérans. Les vétérans, ils voudront pas suivre. Donc, tu sais, je pense que le dossier numéro 1, c'est de la culture, l'identité qu'on veut avoir. Après ça, c'est de qu'est-ce qu'on fait avec Carey Price. Ça fait deux ans, là, c'est compliqué. Là. On le sait pas. Il est blessé, il est malade. Cœur ici, cœur ici, sa femme passe sur les réseaux sociaux. C'est compliqué. Là. C'est comme une patate chaude. Ça doit être une patate chaude à l'interne aussi, entre les joueurs et dans l'organisation. Ça devient une distraction. Il n'est quasiment pas échangeable. T'sais, c'est ça le problème. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas échangeables. Gallagher, ça va. T'as raison. Plusieurs joueurs. T'as raison. Quand on dit que Marc Bergevin a fait une bonne job, je regrette. Moi, j'ai donné 4 à Marc Bergevin sur 10. Puis je suis généreux, là. Puis 4 parce qu'il a atteint les éliminatoires. Il a atteint la finale de la Coupe Stanley. Parce que sans ça, écoute, le réseau des joueurs autonomes, le réseau des filiales est pourri. Après ça, tu regardes ça, il y a des contrats à long terme qui vont être difficiles à échanger. Fait que, tu sais, comment peux-tu dire que Marc Bergevin était très bon? Marc Bergevin, c'est un chic type, je suis convaincu de ça, là. Ça veut pas dire parce que t'es un chic type, t'es un gagnant, là. Non. Non, ben c'est sûr que d'un autre côté, Bergevin a fait quelques bonnes transactions. Pense à Dano. Oui, il l'a sauvé. C'est sûr qu'il a été sûrement très généreux côté contrat et la longueur du contrat. T'sais, on parle à Gallagher, même un Anderson qui est arrivé, qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Toffoli à 4.4 qui est pas pire. Mais tu sais, ce qui a fait mal à Bergevin, c'est vraiment cet été en perdant Kotkaniemi pour rien et puis en perdant Dano. Tu le savais que Weber, c'était sa dernière saison. Oui, tu y vas le tout pour le tout. Tu sais que Price, c'est compliqué. Donc, tu sais, dans de 2 mois... il a perdu 4-5 joueurs sans les remplacer. Tu sais, des fois, tu vas perdre un joueur, tu le sais, tu fais une transaction ou OK, là, tu vas en perdre un peut-être avec une retraite. Puis tu sais, faut pas oublier que Corey Perry n'est pas revenu non plus. Donc, tu sais, t'as comme 5-6 joueurs que tu as perdu et t'as pas réussi à remplacer, t'as perdu pour rien. Donc, je pense que c'est enfargé un peu parce que tu sais, si Price revient, OK, on perd Weber. Si tu réussis à avoir Perry, tu réussis Dano reste, que Kotkaniemi reste. Où tu échanges ces gars-là, puis tu as de quoi en retour de bon, là, tu te reconstruis ou tu te refais plus facilement. Mais là, on revient à la case départ, puis on le voit cette année, c'est tout croche. Puis comme je disais, les vétérans présents, ils ont pas de leadership en eux, ils sont pas amenés ou ils étaient pas prêts à avoir ce leadership-là, parce que justement, dans le vestiaire, ça devait être Weber, Perry, puis peut-être un Price qui géraient le vestiaire. Là, les gars sont plus là. Des Petrie, des Chara, des Savard, ils étaient peut-être pas rendus là à leur carrière ou c'était pas en eux d'avoir ce leadership-là. Puis même s'ils l'avaient avec la qualité des joueurs qu'on a présentement sur la glace, on serait dans les derniers de toute façon. Là, sur papier, c'est pas une grande formation. Là, c'est ça qui arrive. Tout le monde est dans la mauvaise chaise. Et ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté, là, ben, tout le monde paraît mal. Les vétérans, les recrues travaillent fort, mais des fois, ils sont pas à niveau. Et l'entraîneur, tout le monde a de l'air fou. Donc, c'est pour ça que Canyons, il y a beaucoup de travail. Là. On n'est pas 32e pour rien. On a de la difficulté. Puis, on est rendu à la case départ. Donc, beaucoup de dossiers à se débarrasser, puis il faut reconstruire avec une bonne fondation ce qu'on n'a pas présentement chez le Canadien. S'il n'y a pas de COVID, le Canadien, ça fait 5 ans qu'il ne fait pas ici. Fait, comment veux-tu dire, comment peut-on dire que Marc Bergevin a fait une bonne job quand ça fait 5 ans qu'il ne fait pas ici? Soyons honnêtes. Puis même, je vais aller plus loin que ça, même dans les premières années avec Michel Therrien, quand il est revenu, c'était pas mal Carey Price qui sauvait le Canadien sur 2-3 saisons dans ces années-là. Tu sais, Carey Price, dans ses bonnes années, il a fait en sorte qu'on a surévalué la formation du Canadien. Tu sais, il a sauvé les meubles plusieurs fois. On n'a pas fait vraiment de transactions. Puis, le côté que, ben, c'est peut-être une partie de la faute de Bergevin. Le repêchage a été mauvais durant quelques années, qui fait mal présentement. On s'est enfargé comme d'autres organisations s'enfargent. Mais on n'a pas réussi à avoir un coup de circuit du côté du Canadien, un peu, là, je vais penser, un coup de Cherov du côté de Tampa Bay, ou même d'un Bergeron qu'on a eu en deuxième ronde du côté de Boston. Ça, on n'a pas ce joueur-là du Canadien. Trevor Timmons a marché longtemps sur sa réputation à cause du repêcheur de 2007 avec Subban, avec Pacioretty, puis avec McDonough. C'est ça qui l'a sauvé. Parce que moi, ce que j'ai toujours su, et un minimum, le joueur, un repêchant, tu dois avoir un joueur par année qui fait le club. Ça, c'est le minimum, ça. Un bon repêchage, c'est deux joueurs par repêchage qui aide le Canadien. Et un excellent repêchage, qui est celui de 2007, là, c'est trois joueurs. Et on est loin de ça. Là. Ouais. On est très, très loin de ça. On est très loin de ça. Sans manquer de respect aux joueurs repêchés, c'est plutôt rare que rendu en 5, 6, 7e ronde, que le joueur va être un joueur d'impact. Et ça peut arriver soit de temps en temps. Oui, ben c'est ça. C'est exactement, tu sais, mis à part Gallagher qu'on a eu il y a une dizaine d'années. Après ça, c'est difficile. Mais tu sais, justement, en première ronde, il faut pas trop se tromper. Puis deuxième ronde, des fois, tu essaies d'être un peu chanceux. Mais tu sais, c'est ça qu'on n'a pas bien fait du côté du Canadien. Puis tu sais, on revient à ce qu'on disait avec Gorton puis Hughes, mais Marc Bergevin aussi avec Timmons. Tu crées des affinités, c'est comme un chum à un moment donné, t'es comme, je veux pas dire le mot gêné, mais c'est touché de le congédier, tu sais pas trop, tu t'espères que l'année d'après, ça va s'en venir encore. Et puis, est-ce qu'il a bien repêché puis on n'a pas bien développé dans la Ligue américaine? Est-ce que c'est de la faute à Timmons? Est-ce que c'est en partie la faute à Sylvain Lefebvre ou Joël Bouchard qui était là? Est-ce que c'est un mélange de tout? T'sais, en même temps, le gars, moi, j'ai joué dans l'Américaine assez longtemps. Mais, tu sais, l'entraîneur qui est là, il peut t'aider jusqu'à un certain point, mais il y a un moment donné, il y a une question de talent aussi. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux pas faire des miracles avec le joueur que tu as sous la main. Puis, le bon joueur que tu as dans l'Américaine, est-ce que lui va avoir une chance aussi? Tu sais, des fois, tu as des joueurs dans l'Américaine, puis ils se font rappeler, pas cette année, parce que l'équipe est médiocre. Mais dans le passé, est-ce qu'on a donné la chance à des jeunes de se faire valoir? Tu sais, le jeune, il arrive dans la Ligue nationale, il joue sa quatrième ligne, il joue 4 minutes dans son match, après 2 matchs, il se fait retourner dans la Ligue américaine. Tu sais, aussi, il faut donner la chance à ces jeunes-là. Donc, tu sais, c'est un mélange de tout. Comme je disais plus tôt, c'est quand même assez complexe, mais je pense que le numéro un, c'est d'avoir une bonne base, une bonne fondation, qu'on avait un petit peu peut-être avec Price et un Weber en fin de carrière, que là, on n'a plus du côté du Canadien, ce qui fait mal. Puis c'est pour ça que le jeu de cartes s'écroule, puis qu'on est 31e et 32e. Ben Éric, très intéressant. J'espère t'en reparler un autre tantôt, si tu veux bien. Ben oui. Okay, ben oui, il n'y a pas de problème. Quand tu veux. OK, ben on va s'en reparler un autre tantôt. Donc, Éric, vous entendez au 91 très régulièrement, qui va collaborer avec moi de temps à autre également.